Samedi 2 novembre 2013, aujourd'hui au Grain de sable d'Attaque Québec, je m'entretiens avec Evelyne Couturier de l'Iris en première partie d'émission, puis ce sera la chronique de Cédric Leterme en deuxième partie d'émission. Le Grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est votre animatrice Michèle Lemonnette qui vous souhaite la bienvenue. Le Grain de sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci est réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, Attaque Québec. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'entretiens mensuels avec des chercheurs de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Ce mois-ci, nous allons nous demander avec la chercheure Evelyne Couturier si l'hydroélectricité est une vache à lait ou un service public. Mais d'abord, on écoute ce qui suit. Voici la maison anti-pollution, la maison Novlec. Anti-fumée, anti-bruit du chauffage, anti-pièces de rechange, anti-manque d'eau chaude, anti-espace perdu, anti-temps perdu, anti-lavage des rideaux souvent, anti-ménage tout le temps et anti-pollution. La maison toute à l'électricité, Novlec. Soyez jeune, soyez libre, soyez électrique. Dans Joyeux Calvaire. Et auparavant, on écoutait une publicité des années 80, fin des années 80, je crois, d'Hydro-Québec. Evelyne Couturier, bonjour. Bonjour. Evelyne Couturier, bon, il y en a certains pour qui ça risque d'être peut-être pas nécessairement un calvaire, mais difficile les hausses annoncées, les tarifs d'Hydro-Québec. Auparavant, tiens, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes diplômé en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Vous vous intéressez aux finances publiques, à l'écart entre les riches et les pauvres, au modèle de développement urbain et régional. Dans le cadre d'une collaboration mensuelle, je le répète, avec l'IRIS, on se penche sur les finances et les services publics. Une des pièces, d'ailleurs, de cet échiquier des finances et des services publics, c'est l'hydroélectricité, et plus particulièrement Hydro-Québec. Certains qualifient la hausse du bloc patrimonial de détournement de mission pour Hydro-Québec, qui serait de plus en plus une vache à lait pour le gouvernement. On va aborder la question de la mission d'Hydro-Québec avant. Est-ce que c'est fournir des revenus à l'État? Est-ce que c'est fournir l'électricité bon marché aux contribuables québécois? J'aimerais d'abord qu'on passe en revue la question des revenus, justement, que tire Hydro-Québec de ce qu'elle nous offre. On parle souvent du bloc patrimonial. Rappelez-nous ce que c'est que ce bloc patrimonial et surtout quelle part il prend dans l'ensemble des revenus d'Hydro-Québec. Mais pour faut comprendre c'est quoi le bloc patrimonial. Il faut remonter à l'histoire d'Hydro-Québec. Pourquoi est-ce qu'on a fondé Hydro-Québec? Le Québec est une province qui est très riche en pouvoir hydraulique, avec des rivières qui sont très puissantes. Et il y a beaucoup d'industries au début du 20e siècle qui se sont installées sur nos rivières, qui ont créé des barrages. Ils se sont mis à vendre notre électricité, à nous le vendre à nous, mais sans nécessairement avoir une conscience sociale, sans nécessairement essayer de donner le meilleur service au meilleur prix. C'était très inégal, il y avait des malversations, il y avait beaucoup de corruption dans ce temps-là. Alors, Hydro-Québec a été créé, il y a eu une nationalisation qui a été faite, et c'est le gouvernement qui a mis en place des grands projets hydroélectriques. Alors là, tout d'un coup, on est devenus tous et toutes partenaires en tant que citoyens et citoyennes dans la création de cette électricité-là. Et arrivé dans les années 80-90, il commençait à avoir une libéralisation du marché de l'électricité en Amérique du Nord. Et pour participer à cette libéralisation-là, pour pouvoir avoir un marché qui est plus ouvert et de pouvoir vendre sur les marchés américains, Hydro-Québec a changé sa structure. Et en changeant sa structure, ben là, son objectif devenait de maximiser ses profits à l'international. Alors, le Québec, le gouvernement du Québec a demandé un compromis, c'est-à-dire la création du bloc patrimonial qui, lui, ne serait pas soumis au marché de la même manière que le reste de l'électricité qui serait produit au Québec. Donc, ce qu'ils ont fait, grosso modo, c'est de déterminer quelle était la part d'électricité qui était créée à partir des grands barrages et des centrales électriques qui étaient déjà existantes au moment au Québec et pour lesquelles on a tous et toutes collectivement payé parce que à travers nos taxes et nos impôts, à travers les investissements publics. Donc ça a été déterminé le bloc patrimonial qui nous appartient en tant que citoyens du Québec. Et ce bloc-là est vendu à 2,79 sous obligatoirement aux Québécois. Et ensuite, l'électricité supplémentaire, là, cette électricité-là est soumise aux lois du marché, tant à l'intérieur du Québec qu'à l'extérieur du Québec. Et là, il y a des possibilités de vendre l'électricité beaucoup plus cher. Maintenant, combien d'argent est-ce que ça rapporte le bloc patrimonial? Qu'est-ce que ça veut dire en termes Juste auparavant, j'aimerais qu'on... C'est parce que là, on parle du gouvernement, on parle d'Hydro-Québec, mais il y a un troisième joueur dans ce jeu-là, c'est la Régie de l'énergie. Oui. C'est pas parce qu'Hydro-Québec souhaite une hausse des tarifs que ça se produit automatiquement. Absolument pas. Et ça, c'est une chose qui est quand même assez intéressante de voir que Hydro-Québec, année après année, demande une hausse qui est déterminée. Et ensuite, elle doit soumettre l'ensemble de ses documents financiers à la Régie d'énergie et un ensemble de groupes, que ce soit des groupes de défense des consommateurs, que ce soit des industriels, que ce soit des groupes environnementalistes, vont regarder, éplucher ces documents-là, essayer de voir pourquoi et comment l'électricité coûte plus cher et demander des révisions à Hydro-Québec à travers la Régie de l'énergie. C'est la Régie de l'énergie qui détermine ensuite la vraie hausse. Et la vraie hausse va être déterminée en fonction des coûts requis, donc combien ça coûte à Hydro-Québec pour nous fournir l'électricité qu'on a besoin. Et ensuite, un taux de rendement qui est un taux de rendement qui est fixe. Donc, il ne peut pas y avoir des profits induits, mais ça, c'est important de le préciser, c'est pour Hydro-Québec Distribution. Parce qu'Hydro-Québec est divisé en trois. Donc, la distribution, quand on reçoit notre facture d'électricité qui rentre à la maison, et le transport, donc la gestion des lignes de transport, ces deux divisions-là sont réglementées par la Régie de l'énergie, mais la production n'est pas réglementée. Donc, okay. C'est très difficile d'avoir accès aux données de production, et c'est aussi là qu'il va y avoir les plus hauts taux de profit à Hydro-Québec. C'est là qu'il y a les tarifs secrets aussi, hein, c'est ça? Bien, secret, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que là, on parlait du bloc patrimonial. Oui. Donc, Hydro-Québec Distribution a besoin d'avoir un certain bloc d'énergie pour pouvoir fournir l'ensemble du Québec, donc à la fois les consommateurs individuels et les commerces et les industries et les institutions. Donc, c'est Hydro-Québec Distribution qui a le monopole sur la distribution de l'électricité. Elle achète le bloc patrimonial à Hydro-Québec Production, et ensuite, il y a l'électricité supplémentaire où Hydro-Québec Production peut aussi faire des soumissions et dire, ben nous, on peut vous fournir cette énergie-là, mais il y a d'autres groupes aussi qui peuvent suggérer, proposer des prix, des coûts pour l'électricité. Donc, c'est sûr que la part de l'électricité, le coût de chaque kilowatt-heure vendu par Hydro-Québec Production est un facteur déterminant, mais il y a aussi d'autres coûts qui sont importants, notamment les frais pour les programmes d'efficacité énergie, les coûts de main-d'œuvre, les coûts de transport. Donc, il y a ces autres frais-là qui vont être assez importants pour déterminer quel sera le coût au final que l'on paie à la fin du mois. Là, c'est intéressant. Donc, on a vu un peu quels sont les éléments qui rentrent dans le coût, mais il y a aussi il y a la concurrence aussi. Le consommateur peut toujours dire, moi, je vais prendre autre chose, je vais prendre du mazout, je vais prendre du gaz. Est-ce que c'est le cas au Québec si on est plus davantage captif de l'hydroélectricité? On est assez captif de l'hydroélectricité pour une bonne raison, c'est que, étant donné les choix collectifs qu'on a fait dans le passé de miser sur cette électricité-là, une électricité qui est assez propre. Bon, il y a plusieurs questions environnementales qui se posent pour la création de nouveaux barrages, mais une fois que les barrages ont été faits, une fois que les terres ont été inondées et que les barrages produisent de l'énergie, il n'y a pas un coût environnemental qui est très élevé. C'est lorsqu'on fait des nouveaux barrages, là, par exemple, il peut y avoir des coûts environnementaux et sociaux qui sont assez importants, mais ceux qui existent déjà, ça nous coûte vraiment pas cher. En fait, à titre d'exemple, je disais tantôt que, si mon souvenir est exact, c'est en 96 ou en 97 qu'on a déterminé que le coût du kilowattheure du bloc patrimonial sera 2,79. Et à l'heure actuelle, en fait, l'année passée, en 2012, dans le rapport annuel d'Hydro-Québec, ils nous ont dit que leur coût moyen pour produire un kilowattheure, et là, ça dépasse le bloc patrimonial, c'est son coût en général pour produire un kilowattheure, est de 2,1 sous. Donc, il y a une marge qui est assez importante où il peut y avoir encore du profit. Donc, puisque ça nous coûte si peu cher à faire l'électricité, bien, ça nous coûte aussi peu cher l'acheter. Et il y a eu un chantier qui est très important qui a été mis en place au Québec à partir des années 70 pour dire on devrait construire toutes les nouvelles maisons, on devrait chauffer à l'électricité. On est un des rares pays où on les chauffait à l'électricité, non au gaz et non au mazout. Mais c'est encore possible. Il y a encore des maisons qui sont construites et qui prennent qui ont des systèmes de gaz ou de mazout. Il y a aussi la possibilité de mettre en place des systèmes comme un thermopompe, par exemple, ou la géothermie, qui permettent de réduire considérablement sa facture d'électricité. Oui, mais pour une majorité de Québécois, ils n'ont pas tellement le choix, c'est ça que je comprends. Pas tellement le choix, non. Combien l'État retire-t-il des profits d'Hydro-Québec? Est-ce que c'est à la hausse aussi, ces montants-là? Bien, ça dépend des années, parce que là, on attend le rapport annuel pour 2013, l'année n'est pas encore terminée, mais avec la fermeture de Gentilly, par exemple, il risque d'y avoir une diminution des profits d'Hydro-Québec. Il y a quand même des coûts importants qui sont associés à la fermeture de Gentilly. C'est non seulement une partie de l'électricité qu'on ne produit plus, mais c'est aussi une espèce de gros monstre qu'il faut déconstruire, et c'est pas évident de déconstruire une centrale nucléaire. Et l'entretenir et la garder, ça va être encore pire. Donc, mais il y a des coûts qui sont associés à ça. Oui, et on paie aussi une autre entreprise pour qu'elle ne produise pas d'électricité, oui. C'est ça? On paie TransCanada depuis de nombreuses années, 150 millions de dollars par année pour faire produire l'électricité parce que nous sommes en surplus. Donc, c'est un autre aspect. Okay. Mais l'ensemble des coûts d'Hydro-Québec, comment ça fonctionne, c'est que les divisions, les trois divisions principales, production, distribution et transport, ont un taux de profit alloué, mais ils peuvent le dépasser dépendamment des circonstances. Et ensuite, Hydro-Québec Production, puisqu'elle fait de l'exportation, peut faire les profits qu'il veut, comment ça? C'est eux-mêmes qui déterminent leur stratégie d'affaires de ce côté-là. Mais elles ont une demande du ministre des Finances quand même. Mais c'est ça. C'est ensuite, lorsque les trois divisions font leur profit, c'est ensuite agrégé dans Hydro-Québec en général. Donc, chaque division est individuelle, mais à la fin de l'année, le montant final, le profit d'Hydro-Québec, c'est les trois divisions ensemble. Et là, selon la loi, 75% du profit d'Hydro-Québec va dans les coffres du gouvernement. Bon. Je sens que je peux me tromper, mais ça semble pas être une bonne idée pour vous de tirer, pour avoir lu un certain nombre de choses. Donc, ça semble pas être une bonne idée de tirer de plus en plus de revenus de l'État de cette source importante qu'est l'Hydro-Québec. Est-ce que je me trompe? Bien, c'est vraiment compliqué comme question parce que le problème, c'est que lorsque les gens parlent d'augmenter les prix de l'électricité, un des premiers arguments qu'ils vont nous soumettre, c'est qu'il faut arriver au prix du marché. Mais c'est complètement illusoire de parler de marché quand on parle d'électricité parce que ce n'est pas une denrée qu'on peut stocker de manière évidente. Les réseaux sont déjà saturés. On est une communauté qui a accès à une énergie qui est particulière et différente des autres types d'électricité. Donc, c'est pas parce que les États-Unis, lorsqu'ils produisent de l'électricité, ça leur coûte deux fois, trois fois plus cher que nous, on devrait le vendre plus cher. Fait que tous ces arguments-là n'ont pas vraiment de sens. En fait, il faut regarder les conséquences qu'il pourrait y avoir si on augmentait les tarifs d'électricité. Il y a plusieurs ménages au Québec qui sont déjà un peu pris à la gorge dans leurs finances et qui n'ont pas non plus le contrôle sur leur consommation d'électricité. On parle d'élasticité prix dans ce temps-là. C'est que si on augmente le prix de l'électricité, ben c'est pas vrai qu'une personne qui habite seule dans un 3,5 a plein de possibilités de réduire sa facture d'électricité ou qu'une famille de 3-4 personnes dans une maison a plein de manières de diminuer sa facture d'électricité. Il y a quand même une consommation résiduelle, une consommation de base qu'on ne peut pas réduire. Et avec les coûts que ça prend pour, par exemple, mieux isoler sa maison, acheter des électroménagers qui vont être beaucoup plus efficaces, ben, simplement augmenter les frais d'électricité, les coûts d'électricité, va avoir un impact surtout négatif sur les revenus des gens et non pas un facteur de motivation pour pouvoir diminuer les coûts parce que diminuer les coûts va coûter encore plus cher. Et ces personnes-là n'auront pas les moyens. Bon, là, j'ai un peu me faire l'avocat du diable. Bon, on en a un peu parlé tantôt. Pourquoi est-ce que ça... Mais, vous venez d'en parler un peu, mais pourquoi est-ce que l'Hydro-Québec, ça devrait être considéré comme un service public davantage que les autres formes d'énergie? Parce qu'on pourrait dire, bon, ben, on va aller vers le gaz, on va aller vers le pétrole, on va aller vers les énergies éoliennes et autres qui sont produites par le privé, mais si j'ai bien compris. Oui, ben, majoritairement par le privé. Ça, c'est quand même assez décevant parce que du côté de l'hydroélectricité, il y a vraiment eu, dans les années 60-70, une décision collective de dire cette forme d'énergie-là, on ne la maîtrise pas. C'est majoritairement des ingénieurs anglophones, américains, canadiens qui gèrent ces entreprises-là. Mais nous décidons collectivement que nous voulons que ce soit une force québécoise. Donc, nous allons investir, nous allons engager des personnes qui n'ont pas nécessairement l'expérience et qui vont la développer, qui vont développer une expertise. Et aujourd'hui, on est des leaders internationaux sur l'hydroélectricité. Donc, c'est un peu décevant que pour ce qui est de l'éolien, il n'y a pas eu cette même décision qui a été faite là et que finalement, c'est plus de l'expertise étrangère qu'on importe ici et qui ensuite repart avec les profits. Il y a un peu cette idée-là que on parle de plus en plus qu'il faudrait peut-être diminuer sa dépendance au pétrole, sortir de ce carcan où on est obligé d'acheter du pétrole, de se déplacer avec du pétrole, donc d'utiliser beaucoup de pétrole. Mais si on veut vraiment aller dans ce sens-là de réduire notre dépendance au pétrole, mais peut-être que ça devrait être une décision collective aussi, qu'on devrait investir dans ce type d'énergie-là collectivement pour pouvoir s'en aller vers quelque chose, encore là, collectivement, ce serait intéressant. Donc, ce serait un projet de société. Alors moi, je pense que c'est un des endroits où c'est intéressant, c'est de dire notre organisme d'énergie, le Hydro-Québec qui fournit l'électricité, est aussi un organisme très important en efficacité énergétique, en recherche, en alternative. Donc, c'est vers là qu'il faut aller parce que c'est un choix collectif d'aller vers ce chemin-là. OK. Donc, c'est parce qu'on a la maîtrise, le contrôle, au fond, à toute fin pratique, de l'hydroélectricité au Québec, qu'on devrait maintenir ça comme un service public et non laisser aller le marché comme le gaz, comme le pétrole, comme d'autres formes d'énergie. Oui, parce que aussi, ben, les impacts de non seulement la consommation, mais aussi la production de gaz et de pétrole a des impacts sociaux, économiques et environnementaux qui sont très importants. Et, l'utilisation d'énergie en général, que ce soit aussi l'hydroélectricité, donc tout ça a des impacts qui sont super importants sur la société. Donc, on devrait, en tant que société, avoir un regard là-dessus, choisir les orientations, choisir les objectifs et s'assurer de les atteindre. Parce que l'énergie, on n'a pas le choix d'utiliser, c'est assez fondamental dans notre société, mais on ne doit pas le voir simplement comme un levier de profit, un levier économique, parce que si on fait ça, bien, on va probablement faire des choix qui ne seront pas à l'avantage ni des générations présentes, ni des générations futures. Dernier aspect, l'alternative, donc je comprends bien, ce serait de ne pas laisser aussi les tarifs résidentiels d'électricité, au contraire, parce que, bon, pour des questions environnementales, mais aussi pour des questions de justice sociale, il vaut mieux les maintenir le plus bas possible. Mais il y a, c'est ce que Hydro-Québec appelle là, dans son jargon le tarif D, là, D comme domestique, mais il y a... Oui. Il y a aussi les tarifs d'affaires. Est-ce qu'on devrait, parce que là, on parle de tarifs secrets, on parle d'entente et tout ça, est-ce qu'on ne devrait pas, dans le cas du tarif d'affaires, être moins regardant sur la hausse? Bien, Pour ce qui est du tarif domestique, il y a aussi des mesures qui seraient possibles de prendre. En fait, je pense que ce serait intéressant, et c'est une des thèses qu'on défendait dans la note que nous avons écrite en 2009, c'est de voir s'il n'y aurait pas la possibilité d'ajouter un troisième palier. Donc, garder l'électricité, la consommation de base pas tellement chère, mais que plus on consomme, plus ça nous coûte cher pour essayer d'aller vraiment chercher la consommation qui est excessive, la consommation de luxe. Donc ça serait quelque chose qu'on pourrait faire pour le volet domestique. Du côté du volet des affaires industrielles, c'est des consommateurs qui consomment beaucoup d'énergie. Leurs tarifs sont plus bas, mais ils consomment tellement d'énergie qu'ils ont une attention qui est particulière qui leur est donnée de la part d'Hydro-Québec. Ils jouissent également de programmes de suivi, d'accompagnement pour améliorer leur efficacité énergétique. Mais il reste quand même qu'il y a du chemin à faire et il y aurait des manières de faire qui pourraient les inciter à réduire encore leur facture d'électricité, de trouver des nouveaux processus industriels qui pourraient réduire encore plus leur consommation. Et oui, aller chercher sur le prix, c'est une manière, mais aussi de continuer à faire de l'accompagnement, continuer à développer des technologies qui peuvent les aider là-dedans. Et pour l'ensemble de la société, donc que ce soit les consommateurs domestiques, que ce soit les consommateurs institutionnels, commerciaux, il existe des technologies déjà qu'il suffirait de mettre en place, mais pour ça, il faudrait qu'Hydro-Québec essaie de devenir un peu un porte-parole et d'en faire la promotion encore plus. Je pense par exemple à la géothermie qui est vraiment une énergie renouvelable, propre, qui permet non seulement d'augmenter la température d'une maison ou d'une institution pendant l'hiver, mais permet aussi de la réduire pendant l'été. Donc, on sauve doublement sur sa facture d'électricité. Ça nous coûte moins cher en chauffage et moins cher en climatisation également. En terminant, il reste vraiment pas beaucoup de temps, mais je peux pas faire autrement que de vous demander de nous parler trop brièvement, parce qu'il reste vraiment pas de temps, d'une nouvelle en lien avec un sujet dont nous avions traité, vous et moi, la hausse annoncée des prestations d'aide sociale pour les personnes seules. Pour vous, la solidarité durable annoncée par la ministre Molté pourrait bien être de la pauvreté durable, si je comprends bien. Oui, et particulièrement parce que cette hausse de 20 $ par mois, donc on s'entend que c'est pas beaucoup d'argent, ça n'aide pas nécessairement à boucler son budget. Donc, il y a deux problèmes avec cette hausse-là. La première, c'est qu'il n'y a eu aucune information sur l'indexation. Donc, peut-être qu'il va y avoir une indexation. Mais même avec une indexation, on va se retrouver à avoir un montant qui est donné aux gens qui sont sur l'aide sociale qui est encore très bas parce qu'il y a eu, d'indexation pendant plusieurs années. Fait qu'on ne va pas réussir à rattraper le retard qu'on avait déjà. On va rester largement sous le seuil de faible revenu. C'est un peu traumatisant d'entendre le gouvernement dire, grâce à notre hausse, nous allons réussir à faire que les gens vont avoir les moyens de combler 52% de leurs besoins de base. Ah, et effectivement, 52%, c'est pas beaucoup. Et effectivement, ici, en plus, on hausse les tarifs d'électricité. Si en plus, on hausse les tarifs d'électricité. Et une autre chose qui est importante de se rappeler, c'est que cette hausse-là ne s'applique qu'aux personnes qui habitent dans des logements qui sont non subventionnés. Aïe, aïe, aïe. Ce qui veut dire que ces personnes-là paient déjà 70 à 80 de leurs revenus en loyer. Ils vont recevoir 20 $ de plus par mois. À quel point est-ce que ça va vraiment les aider à sortir la tête de l'eau? J'ai des doutes. Ben, merci beaucoup, Evelyne Couturier. Je pense que c'était très éclairant pour utiliser une image qui fait penser à Hydro-Québec. En décembre, on va parler de trop ou pas assez taxer les entreprises avec votre collègue Francis Fortier. Merci et sans doute à une prochaine. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Donc, c'était Evelyne Couturier qui est chercheure à l'IRIS avec qui on a regardé la question d'Hydro-Québec, que ça devrait être une vache à lait ou si ça devrait, au contraire, finalement, être un service public. On va poursuivre avec l'éditorial du président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Les pages économiques des médias nous ont offert une surprise de taille au cours du dernier mois. Le Fonds monétaire international, le vénérable FMI, l'oracle de la finance internationale, a demandé de taxer les riches. Inquiet d'une dette qui n'en finit plus de croître dans les différents pays, le FMI a dû admettre qu'on n'en peut plus de siphonner sans relâche l'argent des pauvres. Ce qui relève du gros bon sens, ce qui a été répété sans fin par le mouvement altermondialiste, devient quasiment un aveu inespéré de la part du FMI. Le chantre des baisses d'impôts, des privatisations, de la déréglementation, serait-il en voie de guérison? Nous n'en sommes pas d'ailleurs à notre première surprise. Le FMI a reconnu la faisabilité et du bout des lèvres l'utilité de la taxe sur les transactions financières. Il a blâmé la sévérité des plans d'austérité en Europe et demandé au gouvernement d'y aller un peu plus doucement. Le voilà donc à s'inquiéter de l'accaparement de la richesse par une minorité et à faire une sortie publique sur la question. Il s'appuie sur un texte savant rempli de schémas et de tableaux intitulé « Taxing Time » qui en appelle à réformer la fiscalité. Faut-il désormais considérer le FMI comme un allié, un ogre réformé qui forcera les chefs d'État à distribuer un peu mieux la richesse? Un retour dans le passé s'impose. Personne ne doit oublier la cruauté sournoise des plans d'ajustement structurel du FMI, les millions, sinon les milliards de personnes qui ont souffert dans le but de permettre aux riches financiers du Nord d'avoir toujours plus d'argent. Personne ne doit oublier l'indifférence et le cynisme avec lesquels le FMI a laissé se dégrader les systèmes de santé, d'éducation et d'aide sociale de nombreux pays. On doit se rappeler toutes les mauvaises décisions du FMI, le nombre incalculable de fois où il s'est trompé, alors que ses recettes amplifiaient le mal. En fait, le FMI s'est trompé si souvent, ses politiques ont donné si peu de bons résultats, ont mené à tant de catastrophes que sa crédibilité s'en est réduite à rien. Il fallait donc trouver quelque chose, vite, pour rétablir sa réputation. Pourquoi ne pas se donner le beau rôle pour une fois? La solution? Prôner quelques idées progressistes que les États ne suivront pas, justement parce qu'ils ont gobé, au point d'en être intoxiqués, les idées défendues par le FMI depuis des années. On ne peut s'empêcher de se dire que c'est trop peu et trop tard. D'autant plus que si on gratte un peu, on voit que le naturel revient au galop. Selon Thibault Lebert du magazine Marianne, le FMI prône toujours le redressement des comptes publics en augmentant la durée d'activité des salariés pour obtenir une retraite ou encore flexibiliser davantage le droit au travail. Pour la zone euro, le FMI propose une taxe régressive de 10% sur le capital des ménages. En fait, taxer les riches, on a connu pas mal mieux. Soyons tout de même bons joueurs. Reconnaissons une certaine audace au FMI. À partir de maintenant, on pourra dire, par exemple, même le FMI appelle à une meilleure distribution de la richesse. Et mettre en contradiction tous ceux qui prôneront le contraire, y compris le FMI lui-même. C'est bien peu, hélas, il en faudra beaucoup plus pour nous convaincre de la pertinence de cette organisation. Est-il dans la nature de l'amour qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien? 89.1. L'amour n'est-il pas l'amour de la beauté et non de la laideur? CKRL. Si l'amour manque de beauté et si la beauté est inséparable de la bonté, il manque aussi de bonté. L'amour désire-t-il ou non l'objet dont il est amour? Le Cercle fête ses 6 ans le 8 novembre prochain. Dès 18h, vivez l'expérience du Cercle avec les créations de plus d'une trentaine d'artistes et collaborateurs. Sentez-vous transporté par un amalgame de projections, danses, d'installations sonores et par les spectacles de Rich au coin, à la Claire Ensemble et de plusieurs DJ. Toutes les infos et concours pour gagner un laissez-passer sur 6ans.ca. Le Ciccio Café et l'Opineur du Chef, une symphonie de saveurs gourmandes et musicales. Un accord mets-son incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Ciccio Café vous présente l'Opineur du Chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédéliques, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Ciccio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'Opineur du Chef, les jeudis à 20h, seulement au 89.1. C'est parce que le chanvre industriel est déjà légal depuis 1998. Et à Québec, c'est à la boutique Écoauthentique qu'on peut s'en procurer. Venez découvrir la plante la plus fantastique que la nature nous a donnée. Pour vos cadeaux, la boutique Écoauthentique vous offre un vaste choix de produits écologiques, dont les vêtements Abaca fabriqués à Shawinigan. 160 rue Saint-Paul dans le Vieux-Port. 418-692-0118. Écoauthentique.com.

C'était les colocs Passe-moi la POC. J'ai au bout du fil Cédric Letourne. Bonjour Cédric, ça va bien? Bonjour Michel. Oui. Ça va? Ça va pas mal. Cédric, va falloir faire attention à ce qu'on dit, vous et moi, peut-être, parce que peut-être que les services de renseignement belges et canadiens sont à l'écoute pour alimenter la NSA. On en parle beaucoup en Europe ces temps-ci avec Mme Angela Merkel qui est Mme Merkel qui est en furie contre Obama. Enfin, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va sortir des tableaux sombres et moroses au sujet de l'Europe. On va parler un peu plus de ce qui s'y fait de bien. Ça va nous changer tout ça, justement, toutes ces controverses autour de l'espionnage, mais aussi tout l'aspect économique moins drôle. Il y a quand même des aspects positifs. Hein? On va parler des coopératives intégrales aujourd'hui. De quoi s'agit-il au juste? Alors les coopératives intégrales, en fait, c'est un concept qui a émergé en Espagne à l'initiative de Éric Durham. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur qui s'est rendu célèbre en détournant des fonds de grandes banques. Il a détourné à peu près 500 000, je pense, euros pour financer divers projets anticapitalistes. Ouais. Et donc ce monsieur-là a décidé d'essayer de lancer le concept de coopérative intégrale. Et en fait, le principe, c'est de mettre en réseau l'ensemble des initiatives qui existent déjà et qui couvrent les besoins de base, qui couvrent les besoins de base nécessaires à la vie de tous les jours. Donc santé, éducation, logement, alimentation, okay, tout ce genre de choses-là. Et regrouper toutes ces initiatives-là sous un unique paravent. Donc il a lancé ça en Catalogne. Mm-hmm. Du coup, la coopérative intégrale catalane couvre l'ensemble du territoire catalan. Et il met ça en réseau grâce à des monnaies alternatives, des monnaies locales, qui ont donc cours sur l'ensemble du territoire et qui permet aux gens, en fait, donc de vraiment couvrir l'ensemble de leurs besoins sur un mode donc alternatif, anticapitaliste, et vraiment tous les besoins sont couverts. Ouais. Oui. Donc, c'est drôlement intéressant. On parlait justement avec Yannick Marcil, avec qui on va s'entretenir la semaine prochaine. On parlait justement des monnaies alternatives. C'est drôlement intéressant, effectivement. On est dans les utopies concrètes aussi. Exactement. On trouve le concept ailleurs qu'en Espagne. Je comprends, bon, que ça a été comme un peu lancé en Espagne, là, qu'il y a Eric Durand. On pourra mettre des informations, d'ailleurs, pour nos auditeurs sur notre blog à propos tout à fait, de... oui. Il y a une petite vidéo, on pourra mettre le lien. Il y a une vidéo de 8 minutes qui explique vraiment bien comment ça fonctionne en Espagne et qui donne tous les détails de l'initiative à Barcelone. Ah, super, on mettra ça. Donc, on retrouve le concept ailleurs qu'en Espagne. Oui, exactement. En fait, ben déjà, il a essaimé ailleurs en Espagne qu'en Catalogne. Donc, il y a d'autres régions qui ont repris le principe. Mais on retrouve aussi l'initiative en France et en Belgique, notamment. J'ai pas entendu d'autres pays, mais c'est possible que ça fasse des petits ailleurs. Et espérons, pourquoi pas, au Québec aussi. Ouais, Un article qui est notamment paru dans le magazine qui s'appelle Reporter et qui relate, en fait, l'expérience qui a été menée à cet égard à Toulouse. Après le passage, justement, d'Enric Durán dans la ville, qui a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait chez eux. Et les personnes qui ont choisi de lancer l'idée à Toulouse, ils sont partis du constat qu'ils avaient déjà tout à Toulouse, en fait. Il existait des garages associatifs, des AMAP, c'est-à-dire des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est des groupes qui essayent d'acheter directement et de lier consommateurs et producteurs sans passer par les intermédiaires. Ouais. Il existe des éco-constructeurs, un fournisseur d'accès alternatif à Internet, des gens qui travaillent sur l'énergie libre, etc., etc. Sauf que toutes ces initiatives-là n'étaient pas connectées. Donc après avoir entendu ce qui se faisait à Barcelone, notamment le récit d'Éric Durán, ils se sont dit que ce serait bien d'essayer de faire le lien entre toutes ces alternatives-là. Et donc évidemment, une des priorités pour pouvoir faire ça, c'est de développer des moyens d'échange alternatifs. On l'a dit, la grosse question, c'est de pouvoir échanger entre eux et sur une plus vaste échelle. Donc ça nécessite une monnaie alternative. Mmh. Sinon, on se retrouve vite piégé par les logiques concurrentielles et marchandes qui sont dominantes. Donc ils sont en train de travailler là-dessus à Toulouse pour essayer de la lancer. Et évidemment, ils partent de l'exemple catalan, mais il faut après pouvoir l'adapter non seulement au contexte juridique, mais aussi au contexte culturel français. Donc ça nécessite quelques spécificités. Oui, là, on va peut-être descendre un peu sur le plancher des vaches. Concrètement, comment ça fonctionne? Oui, tout à fait. Ben, en fait, les trois gros mots d'ordre des coopératives intégrales, c'est autogestion, consensus et subsidiarité. Donc il existe en fait différents groupes de travail autonomes, donc qui sont vraiment dotés d'une autonomie complète, qui prennent des décisions qui concernent leur activité, et donc qui traitent des questions de santé, d'alimentation, d'énergie, tout ça sont traités par différents groupes de travail qui ont donc entière autonomie là-dessus. Ils fonctionnent tous au consensus, et ils prennent donc les décisions qui les concernent directement, donc ça c'est le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'on délègue le pouvoir décisionnel au niveau qui est le plus proche de la décision qui doit être prise. Et ensuite, on remonte en généralité pour ne traiter niveau que les enjeux qui concernent l'ensemble du projet. Mmh. Alors tous les mois, pour faire ça, ils envoient en fait des représentants. Chaque groupe de travail envoie un ou deux représentants à une agora, une genre d'assemblée générale, qui est, elle, chargée de faire le lien entre les différents groupes, de pouvoir discuter cette fois des enjeux qui concernent l'ensemble du projet, prendre des décisions qui concernent l'ensemble du projet, toujours au consensus, et pourquoi pas, évidemment, faire connaître le projet à d'éventuels nouveaux, recruter des personnes, etc. Donc c'est là qu'ils publicisent et qu'ils décident vraiment collectivement sur tout le projet. OK, donc c'est pour ça qu'on parle de coopérative intégrale, c'est qu'il y a différents groupes qui travaillent chacun de leur côté, ils remontent ça à une espèce de exactement, oui. La coopérative sert vraiment de paravent à l'ensemble des différents projets, mais qui sont chacun autonomes. Ça en est où à l'heure actuelle? Alors à Toulouse, pour l'instant, après un an, les statuts de la coopérative sont sur pied, donc ils ont un peu démêlé toute la question juridique. Ouais. Ils ont essayé de lancer un système d'échange local déjà qui a été créé, et il y a différents producteurs locaux qui ont été contactés pour joindre l'initiative. Cela dit, ils attendent encore que le système d'échange soit tout à fait au point, puisque pour l'instant, il fonctionne sans argent, en fait, c'est de l'échange direct de biens, de services ou de compétences, mais il permet donc pas, en fait, aux producteurs de pouvoir entièrement subvenir à leurs besoins sans passer par le système marchand et le système monétaire dominant. Donc les différents moyens d'essayer de pallier à ça, ils sont encore à l'étude, parce que c'est pas évident, il faut que ça fonctionne sur une assez grande échelle, et il faut tenir compte des besoins de tout un chacun. Donc il expliquait qu'il y a certaines personnes qui ont du temps mais qui n'ont pas d'argent, et d'autres qui ont de l'argent mais qui n'ont pas de temps, donc il faut essayer de trouver des solutions qui arrangent tous ces gens-là. Ouais. Donc la solution, ça va probablement être essayer d'articuler différentes formes d'échanges alternatifs. Donc on a des systèmes d'échanges locaux qui sont là, des monnaies alternatives. Ouais, c'est un peu pour les banques de travail. Ouais, c'est un peu pour les universels, ça. C'est vrai qu'effectivement, il y a plein de gens qui ont du temps, qui n'ont pas d'argent, mais qui pourraient finalement. Oui, c'est ça. Oui. C'est vrai que ce serait là qu'ils se retrouvent à un juste milieu, mais bon, voilà. Donc c'est ça. Donc ça passe par des monnaies virtuelles, des banques de travail ou des systèmes d'échanges locaux, des choses comme ça. Donc ils vont en fait d'abord probablement lancer l'expérience à une plus petite échelle. Ils vont d'abord essayer entre 30 et 100 personnes. Avant d'essayer d'étendre progressivement l'expérience à ceux qui voudraient éventuellement s'y joindre et qui auront pu voir comment ça fonctionne concrètement, quoi. Il y a petit à petit. Est-ce que ça a des chances de fonctionner, selon vous? Ben écoute, si on se base sur ce qui se passe en Catalogne et le quand même très gros succès que rencontre l'initiative en Catalogne, on peut se dire que l'avenir est quand même assez prometteur. Après, ça dépend évidemment des contextes locaux et de la dynamique qui est mise en œuvre à chaque endroit. Mm-hmm. Mais c'est vrai que de manière générale, dans le contexte de crise actuelle en Europe et on peut le dire d'abandon quasi total de la part des acteurs politiques traditionnels et notamment de la gauche traditionnelle, hein, qui a vraiment très peu à offrir en termes d'alternatives pour l'instant à ce qui est en train de se passer. C'est vrai que les initiatives dans ce genre-là qui prennent vraiment le parti d'œuvrer directement, sans attendre que l'État s'en charge, à essayer de mettre en place concrètement des alternatives eux-mêmes, ça ne peut que rencontrer un succès grandissant. Après, effectivement, ça va dépendre des dynamiques dans chaque endroit. L'enjeu aussi, c'est de gérer les contradictions qui vont forcément apparaître entre, bon, on connaît tout ça, les personnes qui ont milité dans des groupes qui se revendiquent de l'autogestion, etc. Il faut essayer de trouver un juste milieu entre l'horizontalité, la participation et le maintien d'une certaine cohérence et essayer quand même de que des décisions soient prises. Donc c'est pas toujours évident et c'est toujours des équilibres délicats à trouver. Et puis il y a aussi la question de la confrontation qui va être inévitable entre ce genre d'expérience-là et le système dans son ensemble. Qui se laissera pas faire. Totalement s'affranchir. Ouais, qui se laissera pas faire le système, c'est ça, oui. Exactement. Il y a ne fût-ce que les contraintes juridiques. Il faut quand même toujours payer des impôts. On est quand même toujours tenu à un certain nombre de choses qui font qu'on ne peut pas s'en extraire totalement. Ou alors, si on s'en extrait totalement, on tombe vite dans la marginalité. Donc, c'est vrai que là aussi, c'est des questions que ça peut fonctionner à petite échelle. Mais quand on décide d'en faire vraiment une initiative englobante et qui doit couvrir l'ensemble des besoins quotidiens, ben là, ça pose inévitablement la question de la confrontation avec les structures en place. Oui, on va mettre un article sur l'expérience toulousaine aussi sur notre blog, en plus de la vidéo, une vidéo de présentation de la coopérative intégrale catalane. Cédric, juste avant qu'on se laisse, là, je peux pas faire autrement que de souligner, c'est bientôt, hein, c'était la mi-novembre, qu'on va fêter les 15 ans d'attaque. Attaque est partie en France, 1998, à la suite d'un édito d'Ignacio Ramonet, pardon, dans le monde diplomatique. C'est quand même quelque chose, 15 ans, hein, c'est beaucoup de militantisme, 15 ans. Oui, c'est fou, hein, ça paraît très loin et en même temps très proche. Il ramène 1500 membres en France. Il y en a plus en Allemagne. Ouais. D'ailleurs, l'attaque allemande semble assez dynamique, si je comprends bien. Et du côté de la Belgique... C'est devenu vraiment, oui, le pôle le plus dynamique du mouvement attaque. C'est vraiment en Allemagne, pour l'instant, que les choses bougent le plus, on va dire. Oui, puis du côté de la Belgique? Du côté de la Belgique, c'est un petit peu moins implanté. Il y a des antennes à Bruxelles, à Liège, à Namur. Ouais. Mais c'est un travail surtout essentiellement intellectuel. Et, bon, ils n'ont pas une base militante très forte. Donc voilà, moi, il y a régulièrement des activités, des débats, des analyses, des choses très intéressantes qui se font. Mais en termes de mobilisation, de manifestation, tout ça, c'est un petit peu plus léger en Belgique. Ouais. Et quoi qu'il en soit, la fête va se dérouler pas tellement loin finalement, à Paris. Je ne sais pas c'est combien d'heures de... Oh, c'est 3 heures de Liège. Trois heures de Liège, donc c'est pas très loin. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, mais ce qui est, en fait, je vais dire intéressant, mais la crise a confirmé finalement bon nombre des analyses d'attaques. Hein. Certaines ont été reprises même au plus haut niveau, au moins dans un premier temps. Là. Ouais. Mais il y a quand même toujours on parle de retour de bâton néolibéral, il y a quand même toujours le néolibéralisme qui demeure quand même très fort, donc il faut poursuivre. Il faut pas lâcher. En ce sens, les chroniques que vous faites depuis la Belgique sont fort intéressantes, fort appréciées. Ça me permet de voir effectivement qu'il y a des analyses, qu'il y a des luttes qui se font non seulement en France, mais en Belgique, en Allemagne, ici au Québec, un peu partout dans le monde. Ben merci beaucoup, Cédric. On va se reparler dans un mois. Parfait, avec grand plaisir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Donc, c'était Cédric Leterme. Cédric Leterme à partir de la Belgique. Cédric qui nous parlait de coopérative intégrée. C'est pas vilain comme expérience. Ça pourrait peut-être inspirer ici au Québec de ce type d'expérience. On va poursuivre tout de suite avec la suite à surveiller cette semaine. Ça, c'est une... C'est une revue, finalement, des principaux événements qui sont à surveiller, surtout dans la région de Québec. Parfois aussi, on souligne des événements ailleurs au Québec. Et cette semaine, on a... ça, avant, je voudrais dire que c'est grâce au calendrier média de la démocratie en action. C'est produit par le réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches. Moi, je vous invite à aller voir ce calendrier. Il est très bien fait. C'est www.réseauforum.org/grille-calendrier. Tout ça au masculin, au singulier, pardon. Cette semaine, on a une première activité qui s'appelle Occupy Love, se révolter par et avec amour. C'est une projection débat. Ça, c'est le 4 novembre à 19h. C'est à l'Université Laval et à Québec, là, au théâtre de poche, 23-25 rue de l'Université. En fait, c'est le pavillon Maurice Pollack Desjardins. C'est Cinéma Politica de l'Université Laval qui nous convie à une présentation spéciale dans le cadre de la série Intervention divine, documentaire, spiritualité et justice sociale du film documentaire Occupy Love, réalisé par Velcro Ripper. Ce film nous plonge au cœur de certains des plus grands mouvements sociaux des dernières années, Occupy Wall Street et la révolution égyptienne, en passant par les Indignados d'Espagne et le mouvement de justice climatique. Donc, on passe à travers tout ça pour réfléchir à comment ces crises qui se multiplient, qui poussent les gens à se lever en action, en réaction, peuvent être porteuses de changements radicaux. Pour en explorer les enjeux, il y a André Drainville, qui est professeur de sociologie de l'Université de Laval, et Pascale-Marie Milan, qui est indignée et doctorante en anthropologie, qui vont être les animateurs de la période de discussion qui va suivre la projection. À noter que le film va être présenté dans sa version originale, donc ça va être présenté en anglais. Ensuite, autre événement, et là je dirais même série d'événements importants à souligner, on en a parlé la semaine passée, c'est la Journée québécoise de la solidarité internationale, JQSI, si vous faites JQSI dans votre engin de recherche préféré, vous allez tomber sur le site de ces journées, il y a plein d'informations. Le 6 novembre, ça se termine le 16 novembre 2013. Donc le 6 novembre, Il y a deux roues sur terre, ciné, conférence, 5 à 7. Ça, c'est à la microbrasserie, la Corrigan. C'est sur la rue Dorchester à Québec. 380 rue Dorchester à Québec. C'est juste au coin de Dorchester et Saint-Joseph. C'est l'ami qui nous invite à un 5 à 7 convivial en cette première journée des JQSI. L'activité se culminera dans la projection du film Le Deux roues sur terre en présence du cinéaste et conférencier Guillaume Girard. Suivi d'une période d'échange avec divers intervenants. Il y a aussi le synopsis de ce film. Un jeune homme débarque en Uruguay et il entreprend un grand voyage à bicyclette suivant les traces du Che Guevara et d'autres héros latino-américains. Il rencontre sur son chemin différents groupes de paysans qui continuent aujourd'hui la lutte pour la terre. C'est une activité au promis de l'AMI. L'AMI, c'est l'aide internationale à l'enfance. Ensuite, toujours le 6 novembre, il y a le party bénéfice du Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec. Ça, c'est au bar, le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean à Québec. Le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec nous invite à sa prochaine soirée de financement. C'est à compter de 21h. Les 7 groupes membres de la Fondation nous invitent à venir prendre une bière à la santé de nos groupes populaires. Ensuite, 7 novembre, ça termine du 7 au 8 novembre, ça débute à 17h30 le 7 novembre. C'est un colloque sur les réalités GLBT+, les négligés de la marge. Ça, c'est à l'Hôtel Pur de Québec. C'est au 395 rue de la Couronne à Québec. C'est pas tellement loin de la Corrigan. Colloque sur les réalités gays, lesbiennes, bisexuelles, trans et autres. L'organisme GLBT Québec lutte à l'homophobie propose une journée de conférences et d'ateliers sous le nom Les négligés de la marge. Ce colloque a pour but de mettre en lumière les réalités des personnes les plus vulnérables au sein des communautés GLBT. Parmi les thèmes qui seront abordés par les conférenciers, se trouvent entre autres les conditions des aînés GLBT, la santé sexuelle GLBT, l'homophobie en milieu scolaire, la diversité sexuelle en région, le militantisme trans, la bisexualité et la diversité culturelle. Donc, ça débute à 17h30, le 7 novembre, à l'Hôtel Pur. Il y a le cocktail d'ouverture et la remise du prix Gris Fondation Simple Plan. Il y a toute une journée de conférences et d'ateliers le 8 novembre. Le 7 novembre également, les femmes et le développement ici et ailleurs, un panel de discussion au bar coop L'Agité. Ça, c'est à 18h. C'est au 251 rue Dorchester à Québec, le bar coop L'Agité. C'est dans le cadre des Journées québécoises de solidarité internationale que se tient ce panel de discussion. Dans le cadre, donc, c'est le Carrefour Tiers-Monde. Tiens, justement, on avait reçu Magali du Carrefour Tiers-Monde la semaine passée. Carrefour Tiers-Monde qui nous invite à un panel afin de discuter du rôle des femmes dans le développement des collectivités d'ici et d'ailleurs. Finalement, une activité risque aussi d'être à ne pas manquer, c'est le Forum des artisans du changement. Ça, c'est à compter du 8 novembre. Ça se termine le 10 novembre. C'est au l'espace 400e. C'est au centre quai Saint-André à Québec. Le Forum des artisans du changement est l'occasion privilégiée de participer au plus grand rassemblement de ces individus qui inventent, expérimentent et coopèrent pour bâtir des modèles de vie qui correspondent aux défis actuels de notre société. Renouvelant sa formule à succès pour la troisième année, l'événement se tiendra dans la ville de Québec. C'est la première année que ça se tient dans la ville de Québec. Il accueille des centaines de participants selon une formule qui met en valeur l'intelligence collective et la créativité. Et justement, il y a Yannick Marcil qu'on va recevoir la semaine prochaine avec sur sa chronique sur les utopies concrètes qui va être présent, qui va être un des probablement conférencier, je ne sais trop, à ce forum des artisans du changement. Tous les détails et inscriptions sont sur le site www.2013.québec.changement.cc. Et oui, .cc. Le mot de la fin maintenant. Merci à notre invitée d'avoir de cette semaine, Evelyne Couturier, qui nous a entretenu, avec qui on s'est demandé si l'Hydro-Québec, ça devait être considéré comme une vache à lait du gouvernement, ou si ça devait pas plutôt être considéré comme un service public. Merci également à Cédric Leterme, avec qui on a parlé depuis la Belgique des coopératives intégrées. Je rappelle que les émissions, que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation et vous trouvez le site, vous trouvez le nom de notre émission. Vous arrivez sur le site de CKRL, vous cliquez sur programmation dans le haut, vous allez tomber sur le titre. Si vous cherchez le titre de notre émission, Le Grain de Sable, vous aurez de l'accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Les enregistrements sont aussi disponibles sur le site d'Attaque Québec. www.quebec.attaque.org. Ils sont également disponibles sur notre blog qui est le grain de sable en un seul mot, .qc.org. Mais sur notre blog, on va aussi mettre des liens Internet, ce dont on vous a parlé. On va aussi mettre les musiques. On a parlé aussi d'une vidéo tantôt avec Cédric. On va mettre aussi la musique, bon, passe-moi la POC, des colloques que vous avez entendu aujourd'hui. On a aussi une page Facebook. Vous cherchez le grain de sable sur CKRL dans Facebook et vous allez tomber sur notre page. En principe, il y a un compte Twitter, le grain de sable, grain de sable QC, en un seul mot, grain de sable QC, @ grain de sable QC. En ce qui concerne la page Facebook, si vous ne la trouvez pas, et même le compte Twitter, si vous ne les trouvez pas en vous rendant sur Facebook ou Twitter, vous allez sur le blog de l'émission et on a mis les liens vers ces deux comptes sociaux. Alors, on vous invite à y réagir. Nous avons mis un lien donc sur notre blog, comme je le disais. Attaque Québec veut dire Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Écrivez-nous vos commentaires, suggestions, opinions et autres, tout ce que vous avez envie de nous écrire à l'adresse le grain de sable en un seul mot à commercial@yahoo.com ou directement sur notre blog. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission d'Attaque Québec. C'est votre animatrice Michel Monette qui vous dit d'ici là, passez une belle fin de semaine et semaine. Au revoir. Madame et Amadou, bonjour, ça va bien? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Chérie, ne bifère. Kanata, kaneto. Chérie, ne Téléchargez Le Grain de Sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Que vous soyez un amateur de musique ou un collectionneur averti, le 9 novembre aura lieu la première foire du disque de Québec. Des vendeurs de toute la province seront présents avec des milliers de disques vinyles. Rendez-vous de 10h à 16h au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue du Prince-Édouard. $2 l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. À la vie, à l'amour,